Qu'est-ce que vous avez à faire pour entrer dans la religion de l'islam et devenir musulman et de dire à haute voix, comprendre et croire cette formule en arabe, appelée la shahada. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, qui veut dire que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et j'atteste que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que Jésus, fils de Marie, était un adorateur d'Allah et son messager. Maintenant, on la répète en langue arabe. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله